إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication de Al-Masa'il al-Jahiliyyah. Et le cours d'aujourd'hui, donc on va expliquer dans le cours d'aujourd'hui plusieurs points. Et les premiers points qu'on va commencer à expliquer, ce sont les points numéro 85 et 86 dans le livre de, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le titre ici c'est احتفاظ بآثار المعظمين احتفاظهم بآثار المعظمين. Le fait qu'ils essaient de préserver les restes de ce qui reste des hommes, des grands hommes et des gens qui sont respectés et qui sont regardés avec respect parmi eux, comme les hommes pieux, ainsi de suite. On en a parlé au cours dernier, et aussi par exemple les hommes qui sont respectés parmi les rois et les grands hommes, les empereurs, les dirigeants, ainsi de suite. Souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pour eux des statues, des monuments, des mausolées, des choses comme ça, hein. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a expliqué ça. Il a dit التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. Donc on va expliquer cette parole maintenant. Le cheikh il dit que les gens de la jahiliya, parmi leur religion et les choses qu'ils pratiquaient, c'est qu'ils cherchaient la baraka à partir des choses, des restes des hommes respectés, des grands hommes. Et il donne l'exemple de Dar al-Nadwa, et puis il disait que les gens ils cherchaient de la fierté dans ces choses-là, hein. Et ils cherchaient la baraka de ces choses-là. Donc on va lire les paroles du Cheikh Al-Fawzan qui vont nous clarifier qu'est-ce que ça signifie tout ça. Cheikh Al-Fawzan il dit ta'zim athar al-mu'azzamin min al-ulama ou min al-muluk أو من الرؤساء بأن تحيا هذه الآثار وترمم وتصان، فهذا العمل وسيلة من وسائل الشرك، وهذا من دين الجاهلية، لأنه يأتي جيل فيما بعد ويقولون أو يقول لهم الشيطان إن آباءكم ما احتفظوا بهذه الآثار إلا لأن فيها بركة وفيها خيرا فيعبدونها من دون الله لأن الجيل الأول هيأ لهم الأسباب كما فعل الشيطان مع قوم نوح لما أمرهم بتصوير الصالحين لأجل أن تبعث فيهم النشاط على العبادة فهم أسسوا هذا الشيء بنية صالحة ولكن جاء جيل جهال فعبدوها وهذا من فعل الجاهلية وهم الذين يعظمون آثار العظماء ويحافظون عليها ويصونونها ثم تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد فلا يقول قائل الناس الآن على دين صحيح وعلى توحيد. نقول لا يقتصر النظر على الوقت الحاضر، وإنما يجب النظر للمستقبل، مع أن الحاضرين لا تؤمن عليهم الفتنة أيضا، لكن المستقبل أشد، فلا يجوز العناية بهذه الآثار. وما هلكت الأمم إلا بمثل هذا، وهو أنهم عظموا آثار كبرائهم حتى صارت أوثانا في المستقبل. فالواجب على المسلمين التنبيه لهذا الأمر. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il commence à expliquer le fait que des gens, ils prennent les traces des hommes qui sont importants ou des grands hommes, les hommes pieux, les ulama ou les rois, les chefs d'État, les empereurs, et ainsi de suite. Et ils font revivre leur reste, hein, quand on dit revivre leur reste, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, comme souvenirs ou des choses de ce genre, ou bien même par exemple leur tombe, ou des choses de ce genre. Donc les gens les préservent, ils les gardent après eux, et ils utilisent ces objets-là, soi-disant, pour la baraka, ou des choses de ce genre. Et ça, c'est des choses qui amènent les gens par la suite à tomber dans le shirk, à cause de ça. Et ça, c'est la religion de la jahiliya. Et le cheikh, il dit pourquoi? Pourquoi c'est un moyen vers le shirk? Parce qu'il risquerait d'y avoir une génération qui suit par la suite, qui va commencer à dire, ou bien que le shaitan va leur faire dire, va leur dire, que vos pères ont uniquement préservé ces restes, ont uniquement préservé ces reliques, ou ces monuments, ou ces traces, uniquement dans le but de prendre de la baraka, parce qu'il y a de la baraka dedans, il y a de la bénédiction dedans, il y a du bien dedans. Alors les gens commencent à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et comme j'expliquais au dernier cours, il y a beaucoup de gens qui font ça. Beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Et même il y en a qui appellent à préserver ces restes et à préserver ces monuments-là au nom du patrimoine, dans le fait de dire qu'on veut préserver le patrimoine, on veut préserver l'histoire, on veut préserver les monuments historiques, on veut préserver par exemple les merveilles du monde ou des choses de ce genre, hein? Et même il y a des organisations internationales pour préserver les idoles que certaines nations ou certains peuples ont construit dans le passé comme souvenir, hein, du passé, soi-disant comme mémoire de l'histoire. Et donc c'est pour ça qu'ils ont l'UNESCO par exemple, ils ont cette branche où ils s'occupent de préserver les monuments historiques. Ils appellent ça le patrimoine de l'humanité, hein? Et donc pour eux, de détruire les idoles, détruire les statues que les gens adoraient dans à l'époque de la Jahiliya, ça pour eux c'est quelque chose de bien, hein? Donc on a des exemples de ce que le cheikh il nous dit maintenant. On a des exemples là-dedans. Et on a remarqué ça, que dans plusieurs des pays musulmans, les munafiqins, ou les kuffars, ou bien les juhal, hein, ou les mubtadi'a, ils travaillent à faire revivre toutes les anciennes cultures, les anciennes civilisations de shirk et de dégarement pré-islamique à ces différents pays. C'est comme si en même temps ils essaient de couper les musulmans de ces pays-là de leur histoire islamique pour les ramener à des histoires pré-islamiques, hein, où ils étaient dans le shirk et dans l'égarement. Hein. Donc ça c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose de dangereux, comme le cheikh explique. Il dit parce que à la longue les gens, les générations qui suivent par la suite, ils voient ces restes et ils disent ça c'est à cause de, hein, c'est parce qu'il y avait une baraka là-dedans, et donc ils commencent à l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la première génération a préparé les causes de ça, comme le shaitan avait fait pour le peuple de Noé lorsqu'il leur a ordonné de faire les images des hommes pieux, hein, les statues des hommes pieux, dans le but soi-disant de les encourager, hein, et de les motiver à l'adoration, à faire plus d'adoration. Donc à la base, ils ont uniquement fabriqué ces statues et ces images avec une bonne intention. Mais ceux qui sont venus par la suite, une génération qui a suivi, qui était ignorante, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer ces images et ces statues. Et ça, c'est les actions et le travail des gens de la Jahiliya. Hein? Ce sont eux qui vénèrent et qui donnent de l'importance et exaltent ces reliques des hommes pieux ou des grands hommes, hein, ces traces, ces monuments qu'on a construits en leur souvenir ou des choses de ce genre. Hein, et ils préservent donc tous ces restes, hein, ils les gardent et ils les protègent et ils les défendent. Puis par la suite, elles sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, hein, à long terme. Les gens, nous les êtres humains, des fois, on a un défaut, c'est qu'on calcule les choses à court terme seulement. On regarde qu'est-ce qui peut se passer dans 10 ans, dans 5 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et même si on regarde à 10 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est rare qu'on regarde même jusqu'à 10 ans. Ou même des fois 50 ans ou 100 ans. Et ça, c'est très rare encore qu'on regarde comme il faut, hein, qu'on calcule les choses à long terme comme ça. Mais le shaytan, hein, la'anahullah, lui, il calcule encore plus que ça. Il calcule des siècles à l'avance ces ruses qu'il veut faire pour égarer les hommes. Et donc, c'est pour ça que le shaykh, il dit, il ne faut pas que quelqu'un dise aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on est sur une religion correcte. Hein? On est sur le tawhid. Donc, on n'a pas à craindre de ce genre de shirk ou de ce genre de problème. Hein? On ne va pas tomber dans le shirk. On est sur l'islam. On est sur le tawhid. Il n'y a pas de danger pour nous. On est protégé de d'égarement. Ça, c'est la ruse. Ça, c'est la première ruse du shaitan pour égarer les hommes. De leur faire croire qu'ils sont en sécurité dans leur croyance et dans leur position. Et qu'ils ne peuvent pas s'égarer. Le shaitan, il profite de ça pour les égarer plus facilement par la suite. Le shaykh, il dit, on dit quoi, nous, en réponse à ça, ceux qui disent, ça y est, on est correct maintenant, on est sur la bonne religion, hein, on est sur le tawhid, nous, on leur dit, il ne faut pas regarder uniquement à l'époque actuelle. Il faut regarder pour l'avenir également. Hein. Même pour ceux qui sont présents actuellement, ceux qui vivent actuellement, ils ne sont pas en sécurité contre la fitna et contre l'égarement et la tentation. Mais pour le futur, c'est encore pire. Hein? Pour le futur, c'est pire encore. Donc, il ne faut pas, hein, se préoccuper de ces reliques et de ces monuments, de ces choses que les gens gardent, des grands hommes ou des choses de ce genre. Une fois qu'ils ont péri, on garde ces reliques ou ces choses-là, on dit ça c'est le patrimoine. Les peuples qui ont péri dans le passé ont fait revivre leur monuments ou leur tombeaux ou les choses de ce genre. Tout ça c'est des choses mauvaises. C'est des choses qui amènent les gens à tomber dans l'égarement et dans le shirk à la longue. Hein? Les gens de la Jahiliya, c'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont vénéré, ils ont exalté, ils ont fait relever, hein, reconstruit les traces de leurs grands hommes jusqu'à ce qu'ils deviennent des idoles. Par la suite, dans l'avenir, ils deviennent des idoles. Et donc, c'est obligatoire pour les musulmans de faire attention à ce genre de choses-là. C'est comme je mentionnais au dernier cours par rapport aux pyramides d'Égypte, et aux monuments des pharaons et des choses de ce genre. Il y a des millions de dollars qui sont dépensés pour réparer ou reconstruire ce genre de choses. Soi-disant au nom du tourisme ou au nom du patrimoine de l'humanité ou des choses de ce genre. Donc il faut que, hein, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos dirigeants et qu'il leur donne la clairvoyance et la compréhension de leur religion et du tawhid et de l'importance de s'accrocher aux principes et aux fondements du tawhid. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala en même temps de les entourer de bons conseillers qui sont sur une bonne aqida, sur un bon manhaj, et qui va les mettre en garde et les avertir contre ce qui est dangereux pour, pour la aqida de leur peuple, hein, et pour leur religion. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala les corrige, les réforme, les améliore, hein, augmente leur compréhension, leur connaissance et leur foi à tous ces dirigeants dans les pays musulmans, pour que notre umma revienne, hein, droite comme elle était dans le passé. Donc ensuite le cheikh il dit wa zakara al-shaykh shahidan li dhalik dar an-nadwa fi makkah wa hiya makanun yajtami'u fihi akabir quraish lit-tashawur fi al-umur al-muhimma. Donc le cheikh il dit qu'il a donné que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il a donné un exemple. Hein? Il a donné un exemple de ça. C'est comme qu'est-ce qu'on appelait à la Mecque, à l'époque des mouchriquins, il y avait un endroit qu'on appelait Dar al-Nadwa. Et c'est un endroit dans lequel tous les grands hommes de Quraysh se réunissaient dans le but de se consulter les uns les autres dans les choses et dans les questions importantes. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَزَالَتِ الْجَاهِلِيَّةُ بَقِيَ بقي مبنى دار الندوة على حاله إلى وقت معاوية رضي الله عنه للتملك والانتفاع بسكانها وتحويلها عن هيئتها. فاشترى هذه الدار من حكيم بن حزام رضي الله عنه. فلام الناس حكيما على ذلك، قالوا لما بعت هذا الأثر من آثار أسلافنا وبعت مكرمة قريش؟ قال رضي الله عنه: ذهبت المكارم إلا التقوى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو أن الجواب وهو وهذا هو الجواب السديد الموافق الموافق لكلام الله عز وجل، وهذا من نور البصيرة ونور الإيمان. فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بالآثار القديمة، لأن هذا يؤول إلى الشرك ولو فيما بعد. والدين جاء بسد الطرق المفيضة المفضية إلى الشرك، بسد الطرق المفضية إلى الشرك. الشيخ يكسبليك cet endroit qu'on appelait Dar al-Nadwa, hein, lorsque l'islam est venu et que la jahiliya est disparue, est partie, alors le bâtiment de Dar al-Nadwa est resté tel quel, hein, après l'islam, jusqu'à l'époque de Muawiyah radiallahu anhu. Et les gens, donc, ils profitaient de ce bâtiment-là, puis il y en a qui, des gens qui habitaient dedans, et donc, les gens, le bâtiment était resté tel quel. Et donc, il a été acheté. Hein, Muawiyah, radiallahu anhu, il a acheté le bâtiment de Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu. Donc, les gens ont commencé à blâmer Hakim. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu as vendu cette relique ou ce bâtiment, cette trace de nos ancêtres? Hein, tu as vendu les choses qui restent de l'honneur de Quraysh, hein, des choses de la noblesse de Quraysh, des choses qui restaient, des héritages, hein, des patrimoines. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu, Hakim, radiallahu anhu? Il a dit, toutes ces choses-là sont, hein, toutes ces honneurs que les gens avaient dans le passé sont disparues, excepté à Taqwa. Donc, il reste uniquement maintenant à taqwa, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pris du verset 13 dans Surat al-Hujurat. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc, hein, qu'est-ce qui est honoré, qu'est-ce qui reste honoré et qu'est-ce qui reste noble, c'est ce qui a été rempli de taqwa. Et donc, tout ce qui était dans le passé de la jahiliya, hein, toutes ces choses-là, c'est pas, ça fait pas partie de qu'est-ce qui est honoré, parce que c'est des choses qui restent de la jahiliya. Donc ça, c'était la réponse qui était droite, qui est en accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Et ça, ça vient de la lumière, de la compréhension et de la foi. Lorsque quelqu'un donne une réponse claire comme ça, une réponse droite, comme cette réponse que Hakim ibn Hizam a donnée. Hein, pour expliquer que il n'y a pas de raison de préserver ces traces ou ces reliques comme le font les gens de la Jahiliyyah. Parce que ça les amène à la longue à adorer ces reliques-là. Hein, et aujourd'hui, il y a des groupes de bid'a parmi les soufiïnes et d'autres groupes d'égarements également comme les shi'a, rafida et d'autres. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent de préserver toutes ces reliques, toutes ces traces, toutes ces monuments qui ont été construits dans le passé et qui étaient des monuments de bid'a ou de shirk ou des mausolées sur les tombes ou des choses de ce genre, des tombeaux. Ils demandent qu'on préserve ça et ils disent que ça fait partie du patrimoine et qu'il faut les préserver. Alors que ce sont des innovations et des choses qui amènent les gens à tomber dans le shirk. Donc le cheikh, il dit que tout ça, ça indique qu'il n'est pas permis de préserver ces anciennes reliques, ces anciens monuments, hein, parce que ça amène les gens au shirk, hein, même à long terme. Et la religion est venue pour fermer tous les chemins qui amènent les gens vers le shirk. Hein. Donc ça, c'est l'exemple de ça. Et alhamdoulilah, on a l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam, on a l'exemple des sahaba, hein, qui nous clarifient, qui nous montrent, hein, le comportement à adopter, hein, vis-à-vis de ces genres de reliques-là. Maintenant, les soufiyins, quand ils voient qu'il y a des musulmans en Arabie Saoudite et ailleurs qui appellent à justement revenir à la sunna et à faire vivre l'exemple des prophètes alayhi salatu wa salam, hein, et qui appellent à détruire ces monuments de shirk ou à ces monuments de bid'a et d'égarement, hein, et qui appellent à ces choses-là et qui détruisent ces tombeaux ou ces choses-là, eux ils disent, ah ça c'est des wahhabiyyah, ce sont des wahhabiyyin, hein, des wahhabiyyah, ils détestent les salihin, ils les accusent de détester les hommes pieux et de vouloir détruire le patrimoine de l'islam et des musulmans. Et ça, c'est bien entendu des fausses accusations et des mensonges. Et ce sont des paroles de gens qui jouent avec les sentiments des gens qui sont souvent basés sur le manque de compréhension et le manque de connaissances. Étant donné que les gens ont peu de compréhension parfois de la aqidah du tawhid, ils ont peu de connaissances du tawhid, alors qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que les gens de bid'a font pour les manipuler? Ils utilisent leurs sentiments, ils utilisent leurs émotions, hein, pour les manipuler. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils disent, ah, regardez, ces wahhabites, hein, qu'ils veulent détruire les patrimoines et les reliques des hommes pieux pour mettre dans leur cœur la haine contre ceux qui appellent au tawhid et à la sunna. Et ils ne réalisent pas en réalité, hein, ils ne comprennent pas en réalité que ceux qui appellent à détruire ce genre de choses-là, ce sont ceux qui appellent en réalité à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'exemple des sahaba, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Ali radiallahu anhu de partir et de niveler toutes les tombes qu'il trouvait sur son chemin et de les raser au sol. Et toutes les images ou statues qu'il trouvait, de les détruire. Ça fait partie de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais étant donné que des gens de bid'a, hein, ont empêché d'appliquer ces règles-là pendant des siècles, maintenant les gens ont oublié ces commandements-là et ces explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils pensent que ces choses-là sont correctes. Hein, qu'on peut les garder ou les laisser, hein, alors que c'est pas vrai, alors que c'est le contraire. Donc ça y est pour le point, les deux points qu'on a mentionnés, 85 et 86. Maintenant on va passer au point suivant, le point numéro 88, 87, 88, 89 et 90. Cheikh il dit, Khisalul Jahiliyyah al-baqiyatu fi ba'di hadhihi al-umma. C'est-à-dire certaines caractéristiques de la jahiliya qui vont demeurer parmi certains des individus de cette umma. Et il mentionne quatre points parmi ces points-là. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit Al-Fakhr bil-Ahsab, Al-Ta'n fil-Ansab, Al-Istisqa' bil-Anwa', Wal-Niyahad al-Mayyit. C'est-à-dire, ça c'est les quatre caractéristiques parmi les caractéristiques des gens de la Jahiliya qui vont demeurer dans certains individus de cette Ummah. D'avoir de la fierté pour nos ancêtres, notre généalogie. D'insulter les gens, hein, de les attaquer dans leur lien de parenté. De demander l'appui aux étoiles, de chercher l'appui des étoiles. Et de faire des lamentations pour le mort. Ça, c'est des exemples, des choses de la jahiliya qui vont demeurer ou qui demeurent présentes en certains individus ou dans certains peuples parmi les musulmans. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il explique chacun de ces points-là un par un. Donc, il dit, « هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن الفخر بالأحساب الطعن في الأنساب الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. » Donc, le Cheikh, il dit, ça c'est les quatre questions, les quatre points, parmi les points de la jahiliya qui demeurent. Il a mentionné ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim. Hein? Il dit, il y a quatre choses dans les affaires de la jahiliya que vous n'allez pas abandonner. La fierté que vous avez pour vos ancêtres, le fait de blesser les gens ou accuser les gens dans leur lignée ou dans leur lien de parenté. Al-istisqa bin-nujum, les gens qui cherchent la pluie ou qui pensent que la pluie vient des étoiles ou qui croient que les étoiles peuvent donner la pluie ou influencer qu'est-ce qui se passe dans le monde ou des choses de ce genre. Et al-niyahatu al-mayyit, c'est-à-dire de faire des lamentations pour le mort lorsqu'il meurt. Le premier point, al-fakhru bil-ahsab. Le Cheikh il dit an yaftakhir al-insan bi amjadi aba'ihi wa ajdadihi. وهذا من دين الجاهلية لأنهم كانوا يجتمعون في منى وبدل أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر آبائهم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فالواجب ذكر الله عز وجل ليس ذكر الآباء والأجداد. Donc le premier point, c'est le fait que les gens de la jahiliya, ils se souviennent de al-fakhru bil-ahsab. Ils font al-fakhru bil-ahsab. Yani, subhanallah, la fierté pour les ancêtres. Quelqu'un, il va essayer de chercher la fierté de ce que ses ancêtres, ses grands-parents ou ses parents ont fait dans le passé. Et ça fait partie de la religion de la jahiliya. Il y a un exemple qui me revient à l'esprit, hein, parce que je connais beaucoup d'amis de certains pays, de l'Afrique de l'Ouest et de d'autres pays. Et il y a dans les cultures des musulmans de l'Afrique, il y en a une catégorie de personnes qu'on appelle les griots dans certains pays. Et leur travail à ces griots, hein, c'est lorsqu'il y a un mariage ou lorsqu'il y a un événement, ils les invitent et eux, ce sont comme des gens qui font les éloges des ancêtres des gens. Hein? Quand il y a quelqu'un, par exemple, qui se marie ou bien quelqu'un qui célèbre la fête de quelqu'un ou quelque chose, eh bien, ils se réunissent tous. Et là, il y en a des gens parmi eux qui sont, eux, c'est de père en fils, comme ça, ils sont les griots du village ou de la ville. Hein, les gens les invitent dans les mariages pour faire les éloges de la personne. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dire, « Oh, toi, t'es un grand homme, ton père était un tel, ton père a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. » Après ça, ils mentionnent son arrière-grand-père, et ainsi de suite. Et ils font les éloges de ces hommes-là. Et bien entendu, yani, déjà de glorifier quelqu'un devant lui, c'est pas de glorifier une personne en sa présence, c'est quelque chose qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et une fois un homme a glorifié un autre devant sa face, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu viens d'égorger ton frère. Hein? Donc de glorifier, de faire les éloges d'une personne en sa présence, ça c'est quelque chose qui est mauvais en islam. Donc que dire de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, c'est grave. Et justement il y a un de ces soufis là qui ils font ça aussi surtout pour les chouyours soufis, hein. les marabouts et les chouyours des turuq en Afrique, c'est ça ce qu'ils font. Quand ils viennent et quelque chose, ils célèbrent une fête ou un événement, ils amènent les griots et ils commencent à crier, à chanter, hein, et à faire les éloges. Et en échange de ça, on leur donne de l'argent. Il y a quelqu'un qui est là avec de l'argent et puis ils lui jettent l'argent sur lui comme ça. Plus qu'il fait des éloges, plus on lui donne de l'argent. Donc, Allah al-Musta'an. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est ça. Dernièrement, il y a quelques jours, je suis tombé sur un des sites d'un des chouyours soufis de la tariqa Tijaniya, justement, hein, qui a donné une conférence. Et juste avant la conférence, il y a un de ces gens-là, qui sont des griots, là, qui faisait ses éloges. Il l'a fait en Wolof, en premier, ou bien je ne sais pas en quelle langue avant. Et puis après, il l'a traduit ce qu'il a dit, mais il l'a traduit en anglais. Alors on pouvait comprendre ce qu'il disait, et les choses qu'il disait, c'était tellement grave, subhanallah. C'était des exagérations dans l'éloge, dans la vénération, et dans le respect, dans la glorification, mais exagérée. Hein. Il mentionnait, il dit, cet homme, c'est un homme qui a mémorisé le Coran avant l'âge de 10 ans. Et il disait ensuite que non seulement il pouvait le lire à l'âge de 10 ans, non seulement il avait mémorisé, mais il avait compris également sa signification spirituelle, allégorique, lexique, après il a dit métaphorique, en tout cas. En voulant dire qu'à 10 ans, là, il avait déjà tout compris du Coran. Et ensuite, il commençait à parler de son père à cet homme. Il dit, son père avait mémorisé le Coran avant l'âge de 10 ans et il commençait à dire que des choses comme ça. Il a dit, c'est un homme qui a écrit jusqu'à, en parlant du cheikh en question, qui a écrit 70 volumes sur l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, aucun savant de l'histoire de l'islam n'a jamais fait quelque chose comme ça. Hein? Après, il mentionnait que même quand il était dans le ventre de sa mère, hein, Allah l'avait choisi pour être le khalifa ou je sais pas quoi encore. Toutes sortes de superstitions que ces gens-là sont en train de mentionner et des éloges exagérés. Des choses qu'on dit à propos de cet homme qu'on n'a jamais dit, même au sujet des plus grands parmi les sahaba. C'est de l'exagération absolue. Yani. Et pourquoi ils font ça? C'est pour faire croire aux gens que ces hommes-là sont à un niveau au-dessus du commun des mortels. Hein, pour faire croire aux gens ordinaires que ces hommes-là ont un pouvoir qu'aucun homme ne possède. Comme s'ils étaient des hommes qui ont des pouvoirs surnaturels, qui sont des surhommes en fait. Et donc, ça amène les gens à les vénérer. Et à les adorer, à les prendre pour des dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, à les obéir aveuglément par la suite, et à ne remettre en question aucune de leurs paroles, et à les placer même au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était des gens de la tariqa Tijaniya, mais ça on retrouve des choses pareilles de toutes les turcs soufis qui sont en Afrique de l'Ouest. Des fois qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et ailleurs aussi dans les pays musulmans, si par exemple on critique une tariqa, les gens d'une autre tariqa disent oui c'est vrai ce que tu dis, quand c'est par rapport à la tariqa de l'autre ils sont d'accord, Mais quand c'est à propos de leur tariqa, parce que la, leur tariqa, ils font la même chose qu'eux, hein, quand c'est leur tariqa, non, là, ils se fâchent. Mais quand c'est la tariqa de l'autre, là, ils l'acceptent. Hein, alors qu'ils font tous les mêmes bid'ah, les mêmes formes de shirk et d'exagération et d'égarement. Donc, ça, c'est des exemples d'exagération, comme on appelle al-fakhru bil-ahsab. Ça, ça fait partie de ces choses-là. Et cette culture-là, de ce qu'ils font, ces gens-là, ces griots-là, gagnent leur vie avec ça, hein, de père en fils, eh bien, ça, ça fait partie de ces exemples de fakhru bil-ahsab, qu'est-ce que les gens font. Hein. Et, yani, ensuite, le cheikh, il dit donc, ça, ça fait partie de la religion de la jahiliya. Les gens, ils se réunissaient à Mina, hein, avant l'islam, ils se réunissaient à Mina, dans le Hajj. Et puis, au lieu de se souvenir d'Allah et faire le rappel d'Allah et faire le dhikr d'Allah, ils se rappelaient des grands accomplissements et des choses de fierté, des causes de fierté que leurs ancêtres avaient fait, des grandes choses que leurs ancêtres avaient fait. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 20, une fois que vous avez accompli vos rites du Hajj, alors souvenez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme vous vous souveniez auparavant de vos pères, et plus encore, hein, ou bien plus encore. Donc, c'est pour dire que l'obligation qu'on a, c'est de se souvenir d'Allah, et non pas de se souvenir de nos parents, de nos ancêtres, et qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc ça, ça vient clarifier un point important, hein, des questions de al-fakhru bil-ahsab. Et surtout pour les gens qui ont une lignée, une généalogie, qui sont descendants de grandes familles dans les pays musulmans. Souvent, ils ont ce problème. Hein. Ils sont tellement figés sur le passé, qu'est-ce que leurs ancêtres ont fait, qu'ils oublient eux-mêmes de faire le bien qu'ils doivent faire. Et on dirait qu'ils se reposent sur le passé seulement, hein, le passé glorieux. On dit, ah, nos ancêtres, ils ont fait ça. Mon grand-père, il était un tel. Hein? Et comme le poète arabe dit, Laysa al-fata man yaqulu kana abi, walakinahu man yaqulu ha anaza. Hein? L'homme, le vrai homme, c'est pas celui qui dit, mon père était. Mais c'est celui qui dit, voilà ce que je suis moi-même aujourd'hui. Hein? C'est ça l'important. C'est ce que tu fais toi, et pas ce que tes ancêtres ont fait. Si tes ancêtres ont fait des grandes choses, alhamdoulilah, ça c'est bien pour eux. Mais toi, qu'est-ce que tu as préparé pour toi-même? Ça c'est l'important. Donc le cheikh il dit ensuite, « وَطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ كَأَنْ يَقُولُ فُلَانٌ مَا لَهُ أَصْلٌ فُلَانٌ مِنْ قَبِيلَةٍ لَيْسَتْ هِيَ أَصْلِيَّةٌ أو أَصِيلَةٌ لَيْسَتْ هِيَ أَصِيلَةٌ وهذا معناه تنقص الآخرين والله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالفخر ليس بالنسب الفخر إنما هو بالتقوى لا ينفعك النسب إذا فقدت التقوى قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فلا ينفع الإنسان كونه من قريش ولا كونه من بني هاشم ولا كونه من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن معه عمل صالح لا ينفعه إلا العمل الصالح وتقوى الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que également il y a le fait d'insulter ou d'attaquer les gens dans leur lignée, dans leurs origines, hein, dans leurs origines. Donc quand quelqu'un par exemple il dit ah lui un tel, il n'a pas d'origine, il n'a pas sa tribu n'est pas une tribu qui a une origine qui est ancienne, hein, ou bien qui est respectée, ou des choses de ce genre. Dans le sens que des gens méprisent d'autres par rapport à leur origine. Et ça, on le retrouve encore une fois dans les pays musulmans. Et ça, ça fait partie de la religion de la jahiliya. Le professeur Hassan nous a averti contre ces choses-là en disant qu'elles sont des choses de la jahiliya. Hein? Donc, tu vois que dans certains pays musulmans, si un tel, il vient de telle caste, de telle famille, de telle, hein, etc. Donc, automatiquement, il est rabaissé. Et on le dénigre. Et on le rabaisse. Et on ne lui donne pas le respect qu'il mérite. Pourquoi? À cause de son origine. Il n'est pas considéré d'une origine noble. Tandis que les autres, hein, eux sont d'une origine noble. Hein, eux sont respectés. Même s'ils font rien de bon. Hein, même s'ils sont le pire des hommes et qu'ils contredisent la sunna, qu'ils font des bid'ah, qu'ils appellent à l'égarement, pratiquent pas les choses qu'ils devraient pratiquer, ils sont pas sur la sunna, mais ils ont une lignée noble. Alors on les respecte. On doit les respecter. Même si ce sont des criminels, même si ce sont des égarés, même si ce sont des gens de bid'ah, même si ce sont des ennemis de la sunna, même si ce sont des ennemis du tawhid, on doit les respecter soi-disant parce que ce sont des gens qui sont d'une lignée. Leurs ancêtres ont fait des grandes choses. Et donc eux, ils ont hérité de ça sans avoir fait aucun travail. Et donc ils croient qu'ils méritent cet honneur. Tandis que les autres, ils sont d'une origine qui n'est pas noble. Hein? Ils sont d'une origine qui n'est pas d'une grande famille. Mais ils ont fait des efforts pour eux-mêmes. Ils sont de bons musulmans. Ils s'accrochent au Coran et à la Sunna. Hein? Et ils aiment l'islam. Alors, on les dénigre parce qu'ils n'ont pas une origine noble, soi-disant. Et ça, on retrouve ça souvent dans les pays musulmans. Hein? On retrouve ça dans les pays musulmans. Soit sous forme de discrimination et de racisme par rapport à la couleur, ou soit par rapport à la famille, même des fois dans un même pays, des gens de la même couleur, même parfois dans les pays africains, on retrouve ça aussi. Hein? Parce que là-bas, il y a beaucoup de systèmes de caste, c'est comme ça. Hein? Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas islamiques. Mais les gens gardent ça. C'est des choses de la djahiliya qui restent. Hein? La fierté pour les ancêtres. Des choses de ce genre. Et là, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 13, dans surat al-Hujurat, que Allah, il dit, « Oh, vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme, et nous vous avons fait en différents peuples et en tribus pour que vous puissiez vous reconnaître entre vous. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, pour Allah, le plus noble, c'est celui qui est le plus pieux, celui qui a plus de taqwa. Ça, c'est le seul critère. Donc, le cheikh, il dit que la fierté, elle ne doit pas être basée sur les liens d'origine de la personne par rapport à ses ancêtres ou des choses comme ça, ou sa famille ou des choses comme ça. Non, c'est uniquement par la taqwa. C'est uniquement ça qui va te venir en aide au jour de la résurrection et qui va être bénéfique pour toi. Hein? C'est la seule chose qui va t'aider. C'est pas tes origines qui vont t'aider. Si tu n'as pas de taqwa, ça servira à rien. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعَ بِهِ نَسَبُهُ. Celui qui a été lent à faire les bonnes œuvres, eh bien, ses liens de parenté, son origine, ne pourront pas, hein, lui profiter et être bénéfique pour lui au jour de la résurrection, comme c'est rapporté dans le hadith par l'imam muslim. Hein? Il est dans les 40 hadiths, en plus, ce hadith-là. Les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc le cheikh, il dit, le fait que quelqu'un soit de Quraysh, ça ne lui servira à rien. Le fait qu'il soit de Bani Hashim, ça ne lui servira à rien. Le fait qu'il est de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui servira à rien si ça n'est pas accompagné des bonnes œuvres. Ça ne lui servira à rien. La seule chose qui va lui servir au jour de la résurrection et qui vont être profitables pour lui et bénéfiques, c'est s'il a les bonnes œuvres et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ça ne servira à rien. Maintenant, on a des gens comme ça. Quand ils voient quelqu'un, par exemple, qui est d'une autre origine, il le dénigre. Surtout si c'est quelqu'un qui est converti. Il y a des frères, subhanallah, ils m'ont raconté des histoires, qu'est-ce qui leur est arrivé, du fait que ce sont des musulmans français convertis, ou bien des musulmans québécois convertis, ou bien des musulmans convertis de d'autres origines, ou bien que ce soit par exemple des musulmans qui ne sont pas convertis, qui sont nés musulmans, mais qui viennent de certains pays, et on les dénigre, parce qu'ils ne sont pas de telle ou telle origine, et des gens considèrent que eux ils sont meilleurs que peu importe qu'est-ce qu'ils pratiquent ou pratiquent pas de l'islam. Hein? Il y a des gens, subhanallah, qui ne font pas la salat, qui ne font pas le ramadan, qui font tout ce que Allah a interdit, et quand ils voient un musulman qui est converti, qui pratique l'islam, ils lui disent, moi je suis un vrai musulman, toi t'es pas un vrai musulman parce que t'es pas né musulman, et je suis meilleur que toi. Ça c'est l'ignorance de la personne. Alors que ces gens-là, ils oublient que les sahaba sont tous des, là, en grande majorité, sont tous des convertis à l'islam. Les sahaba, en grande majorité, sont tous convertis à l'islam, sont pas nés musulmans. Alors, on voit comment parfois certains, ils oublient, hein, sans faire attention, ils disent des paroles graves. Qu'Allah nous pardonne et nous guide. Hein. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَالِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ اعتقاد أن المطر ينزل من تأثير طلوع النجم أو غروبه وهذا من دين الجاهلية فالمطر إنما يحصل بإرادة الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فالله هو الذي ينزل المطر بإرادته ومشيئته وحكمته وينزله كيف يشاء سبحانه وتعالى ينزله على أرض ويمنع منه أرضا أخرى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فالذي يعتقد أن لطلوع النجم أو غروب النجم تأثيرا في نزول المطر فهذا الاعتقاد شرك تجب التوبة منه ويجب نسبة نزول المطر إلى الله جل وعلا. Le cheikh il mentionne que parmi les exemples des choses de la jahiliya, les gens qui croient que la pluie tombe à cause des effets du lever des étoiles ou du coucher des étoiles, et ça fait partie de la religion de la jahiliya. Ils attribuent la pluie aux étoiles ou à des éléments qui n'ont aucun pouvoir d'influence sur ces choses-là. Hein? Puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle les étoiles. Et les étoiles n'ont aucune volonté. Hein? C'est Allah qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers. Donc, d'attribuer ces choses-là, hein, ces changements à des choses inertes dans la création, ça c'est une forme de négation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit tout ça. Tout ce qui se produit dans l'univers, ça se produit uniquement par la volonté d'Allah. Comme Allah il le dit dans le verset 28, dans Surat Shura. Hein, c'est lui qui fait tomber la pluie après que les hommes ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et qui distribue sa miséricorde. Ça, c'est Allah qui fait ça. Et il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait donc descendre la pluie. Et que la pluie, elle descend uniquement selon la volonté d'Allah, selon son vouloir, selon sa sagesse. Hein, il la fait descendre là où il veut, et s'il veut la faire tomber sur une terre en particulier, il fait tomber la pluie sur cette terre, et s'il veut que pas une goutte d'eau ou pas une goutte de pluie tombe à un endroit, il retient la pluie de cet endroit-là. Hein, et il mentionne dans le verset 50 dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il mentionne justement le fait qu'il fait que la pluie tombe là où il veut. Hein, il fait tomber la pluie là où il veut. Il dit, nous l'avons réparti entre eux afin qu'ils se rappellent de nous. Mais la plupart d'entre les gens refusent à tout sauf à être ingrats. Donc ça c'est la réalité. Et aujourd'hui, surtout à notre époque, les gens sont ingrats, surtout quand la pluie tombe. Ils oublient que c'est Allah qui l'a fait tomber et ils le prennent pour acquis. qui prennent la pluie pour acquis. Mais quand la pluie va arrêter de tomber pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, là ils vont se souvenir du bienfait de la pluie. Le cheikh dit, فَالَّذِي يَعْتَقِدْ أَنَّ لِطُلُعِ النَّجْمِ. Donc celui qui croit que le lever d'une étoile, ou le coucher d'une étoile, ou le mouvement des astres a un impact ou un effet sur le fait que la pluie tombe, que la pluie tombe ou non, ça c'est une croyance de shirk. Et il faut s'en repentir. Et il est obligatoire d'attribuer la pluie et la descente de la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et donc, ça c'est important de le comprendre. Et également, de comprendre, d'attribuer aussi tout ce qui se produit dans la création, hein, comme élément que les gens disent, par exemple, ça c'est la nature qui fait ça. Ça, de dire que c'est la nature qui fait ça, que ce soit les tornades, les ouragans, les tremblements de terre ou les autres choses qui se produisent dans l'univers, il faut les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas dire que ces choses-là, c'est la nature qui le fait. Parce que c'est Allah qui a créé la nature et c'est lui qui contrôle la nature. Donc, de nier hein, que ces choses-là sont créées ou contrôlées par Allah, c'est de nier Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Ensuite, le dernier point parmi les points qui sont mentionnés dans ces questions-là, c'est النياحة على الميت. والمراد بها رفع الصوت عند موت الميت جزعا وتسخطا أو ذكر محاسن الميت. فالنياحة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب وهي من أمور الجاهلية والواجب الصبر والاحتساب ولا يدخل هذا ولا يدخل في هذا البكاء على الميت ولا يدخل في هذا البكاء على الميت لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يحبسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا يعني اللسان أو يرحم. فإذا تكلم الإنسان بكلام يرضي الله عند المصيبة وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون حمد الله وشكره غفر الله له وجبر مصيبته. نعم. Donc le cheikh il dit que an-niyaha, c'est les lamentations que les gens font pour le mort. Lorsque quelqu'un meurt, ils élèvent la voix, ils commencent à se plaindre, ils commencent à se mettre en colère, ils crient. Hein? Et même parfois il y en a qui vont commencer à s'opposer à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'objecter à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa décision. Hein, de la mort de cet individu. Et il commence à dire, mais pourquoi, hein, des choses comme ça. Pourquoi cette personne est morte et des choses de ce genre. Et ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah. Et aussi, ça consiste aussi à mentionner les bonnes qualités de cet individu-là qui vient de mourir. Il y a souvent des koufars, ils ont pris l'habitude de faire ça. Lorsque quelqu'un meurt, il y a quelqu'un qui vient et qui commence à parler et commence à dire toutes les bonnes choses que cette personne-là a fait. Ça fait partie aussi de an-niyaha. Et ça aussi, c'est interdit. Et ça fait partie des grands péchés. Et il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim, hein, dans lequel il mentionne que la personne qui a fait an-niyaha, si elle ne s'est pas repentie avant sa mort, quand elle va être ressuscitée au jour de la résurrection, Donc la personne, qui, si elle ne s'est pas repentie avant sa mort, elle sera revêtue d'un vêtement de goudron et d'une robe de djarab. Je n'ai pas trouvé la signification, j'ai regardé dans la définition dans le dictionnaire, ça disait la gale. Il faudrait que je regarde, en tout cas je vais référer par la suite. C'est le hadith numéro 934 dans Sahih Muslim. Et ensuite il dit, donc ça fait partie des grands péchés, hein? C'est pas les petits péchés, c'est parmi les grands péchés, et ça fait partie des aspects de la jahiliya. Donc il dit, dans des situations pareilles, c'est obligatoire pour à quelqu'un de faire preuve d'endurance, de patience et de retenue, hein, de retenir sa langue de ces genres de complaintes et de ce genre de lamentation. Et le cheikh il dit également, il y a le fait que certaines personnes, parfois quand quelqu'un meurt, ils pleurent. Il dit ça rentre pas dans les lamentations, le fait de pleurer. C'est-à-dire que quelqu'un qui laisse des larmes couler de ses yeux et qui pleure, ça c'est pas quelque chose qui rentre dans les lamentations, et ça fait pas partie de an-niyaha. Le cheikh il dit pourquoi, parce que un homme peut pas retenir ça, quelqu'un peut pas retenir ses larmes lorsqu'il est triste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pleuré lors de la mort de son fils Ibrahim, et il a dit, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit que l'œil pleure et le cœur est triste, et nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Et nous sommes tristes de ton départ, ô Ibrahim. Et il mentionne aussi un autre hadith aussi rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas à cause d'une larme qui coule de l'œil, ni pour le cœur qui est triste, mais il va châtier pour ceci, c'est-à-dire pour la langue, hein, ou bien il va faire miséricorde. Donc le cheikh explique ça en disant que si une personne dit des paroles qui font plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a un malheur, et qu'il dit par exemple, nous venons d'Allah et c'est à lui que nous retournons, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et qu'il fait les louanges d'Allah et qu'il remercie à Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner et va lui donner la force de supporter ce malheur. لفهذه الأربع من أمور الجاهلية وهي باقية في الناس فيجب التوبة منها. ودل الحديث على أنه ليس كل من فيه شيء من الجاهلية يكون كافرا. فأمور الجاهلية منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك. الشيخ قال donc que ces quatre choses parmi les aspects de la jahiliya, elles restent encore, elles sont encore présentes parmi les hommes, et il est obligatoire à quelqu'un de se repentir de ce genre de caractéristiques. Et le hadith prouve que يعني والدليل ودل الحديث على انه ليس كل من فيه شيء من الجاهليه. نعم. Le hadith prouve que quelqu'un, par exemple, lorsqu'il a des caractéristiques de la jahiliya, ça ne veut pas dire nécessairement que la personne il est kafir. Parce que parmi les aspects et les caractéristiques de la jahiliya, il y en a qui sont des aspects qui sont kufr, et il y en a d'autres qui sont moins graves que le kufr et qui ne sont que des péchés, par exemple. Donc si on dit à propos de quelqu'un qu'il a en lui une caractéristique de la jahiliya, ça ne le fait pas nécessairement sortir de l'islam. Ça, c'est ce que le cheikh a expliqué à ce sujet-là. Et ensuite, il y a un point encore qui est expliqué par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est le point numéro 91. Qiyam mujtama'ihim 'ala al-baghi. C'est-à-dire que parmi les caractéristiques des gens de la jahiliya, c'est que leur société, elle est basée sur l'injustice et la transgression. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit inna ajalla fada'iluhum al-baghi wa qad dhakara Allah fihi ma dhakara. Donc il mentionne, il dit al-baghi, donc le Cheikh il dit parmi leurs mérites les plus importants, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait d'être injuste et de transgresser et de faire du tort aux gens. Et Allah a mentionné ça dans le Coran de la part des gens de la Jahiliya. Et ça encore aujourd'hui on le retrouve même dans la société des kuffars aujourd'hui, hein, et même parfois chez certains parmi les musulmans qui ont ces caractéristiques aussi, parmi les caractéristiques de la Jahiliya, hein, chez les gens de la Bid'a ou les musulmans qui ne respectent pas les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit البغي هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهم ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم. فجاء الإسلام بتحريمه والنهي عنه وأمر بالعدل بين الناس وشرع لمن بغي عليه أن يقتص لنفسه حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلوم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن البغي بالفواحش والشرك والقول على الله بغير علم. Le Cheikh il explique que al-baghyu, le mot al-baghi, hein, ou al-baghyu en arabe, ça signifie de transgresser, hein, contre les gens, dans leur sein, dans leur bien et dans leur honneur. Et les gens de la Jahiliya, eux ils considéraient que ça c'est des choses qui étaient, hein, qui faisaient partie de leur fierté, de transgresser contre les hommes et contre les gens dans leur honneur. Ils étaient fiers de ça, hein? Ils trouvaient que c'était bien. Et encore aujourd'hui, on a cette mentalité-là dans certaines sociétés, hein? On considère que les forts et les injustes, les forts qui sont injustes, on les considère comme étant honorables. Ceux qui écrasent les faibles et les pauvres, et qui font du tort ou qui font du mal, on les regarde avec respect, hein? Et ceux qui sont honnêtes et qui sont faibles ou pauvres, on les regarde avec mépris, même si ce sont des gens honnêtes et des gens de bien. Il dit, les gens de la Jahiliya, ils étaient fiers de ce genre de choses-là, et ils se faisaient des éloges dans leurs poèmes et dans leurs paroles. Hein, ils parlaient de ça, en parlant de ces choses-là, de leurs injustices et de leurs transgressions, ils en parlaient avec fierté. Hein. Et l'islam est venu pour interdire la transgression, interdire l'injustice et ce genre de comportement. Et il mentionne, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et a ordonné, et il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour la personne contre qui on a fait du tort ou de l'injustice, que la personne, elle cherche, hein, à ce que la justice soit établie et que le tort qui lui a été fait soit réparé. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 33 en surat Al-A'raf, dit au Muhammad, à ces gens, à ces hommes, aux mushrikines et à tout le monde, hein, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparents que secrètes, de même que le péché, la transgression sans droit, hein, al-bari, c'est ça al-bari, transgression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Parler à propos d'Allah sans connaissance. Donc ça c'est des exemples que le Cheikh mentionne comme versets qui nous prouvent que la transgression elle est interdite dans l'islam. Et il a associé la transgression avec tous les grands péchés, al-fawahish, hein, les turpitudes, et le shirk, et le fait de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Il a associé tout ça ensemble. Ensuite, il dit, wa qala ta'ala, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. C'est le verset 90 dans sourate An-Nahl. Et en passant, il y a des imams dans certaines mosquées. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque vendredi, quand ils font la khutbah, ils mentionnent ce verset-là. Et ça, c'est une bid'a de le mentionner à chaque fois. Et en particulier, de le réciter avec en le récitant avec une voix différente que lorsqu'on parle. Hein, il commence à le réciter avec tilawa. Il commence à le réciter avec une voix différente que lorsqu'on parle. Et ça, c'est pas sunna non plus de faire ça. C'est-à-dire que lorsqu'on cite des versets dans une khutbah, on les récite pas avec tajwid, hein, comme on fait d'habitude lorsqu'on récite le Coran. On le lit normalement, comme quand on parle. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il faisait. Il récitait pas les versets du Coran avec une autre récitation différente que sa parole ordinaire lorsqu'il faisait une khutbah. Il y en a qui font ça parmi les khutbah, ils font ça pour rendre la khutbah plus divertissante ou plus je sais pas quoi encore, mais ça fait partie des innovations. Donc il faut faire attention à ça. Après, le cheikh il a mentionné ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah commande l'équité. Al-adl, la justice, hein, l'équité, la justice. La bienfaisance, c'est-à-dire al-ihsan. Wa ita'i dhil qurba, l'assistance aux proches. Tu donnes à tes proches quand ils sont dans le besoin. Et il interdit la turpitude. Wa yanha 'anil fahsha. Al-fahsha, c'est les péchés qui sont laids, qui sont des turpitudes. Al-fahsha ou al-munkar, l'acte répréhensible, les mauvaises actions. Ou al-bari, la rébellion, la transgression. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Ça, c'est le verset qui est mentionné à ce sujet-là. Ensuite, il dit, wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi khutbati hujjat al-wada', inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha ala hal ballagt. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa khutba, quand il a fait son dernier hajj, le hajj, hein, dans lequel il a fait pour la dernière fois son hajj, il a mentionné, hein, le hajj d'adieu, hujjatul wada', il a mentionné que vos saints, vos biens et vos honneurs et vos biens sont sacrés pour vous, hein? Comme ce jour, comme ce pays et comme ce mois est sacré, comme ce jour, hein? Il a dit comme ce pays, c'est-à-dire la Mecque, hein? Arafat, la Mecque et tout ça, ça c'est des terres saintes, terres sacrées. De même que ce mois, c'est-à-dire le mois de Dhul-Hijjah. Et le mois et le jour et l'endroit. Donc tout ça c'est le jour c'était le jour de Arafat. Donc tout ça c'est des choses sacrées. Donc vos saints, vos honneurs et vos biens sont sacrés de la même manière. Et après il dit, n'ai-je pas transmis le message, hein? Ala hal ballagt. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, wa qala ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima wa bi iqamati hadhihi al-ahkam ar-rabbaniyyah istutiba al-amn wa sadat al-mahabba bayna al-mu'minin wa zalat 'anhum fawda al-jahiliyyah wa عن جهيتها والحمد لله رب العالمين. Donc il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le meurtre et la tuerie. Il mentionne le verset 93 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque tue un croyant intentionnellement, alors sa récompense et sa rétribution sera l'enfer où il demeurera éternellement. Et il aura la colère d'Allah ainsi que sa malédiction, et Allah lui a préparé un châtiment énorme. Et donc, quand on lit ce verset-là, il faut comprendre que ça, c'est un grand châtiment pour la personne qui commet le meurtre. Et ça, c'est le cheikh dit donc, en établissant les règles divines qui ont été ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala, la société devient en sécurité et en paix. Et on arrête toute forme de transgression. Et il n'y a que l'amour qui reste et qui règne entre les croyants et entre les musulmans. Et on a éliminé la corruption et le désordre de la jahiliya. Hein? Et alhamdulillah rabbil alamin. Donc c'est ça ce qui se passe maintenant dans les sociétés non musulmanes, à cause de la jahiliya qu'ils ont, à cause de plusieurs manifestations et aspects de la jahiliya qui restent chez eux, du fait qu'ils refusent de juger selon la loi d'Allah, on voit qu'ils n'ont pas de sécurité dans leur pays et dans leur société. Les gens ont peur pour leur bien, les gens ont peur pour leur vie, les gens ont peur pour leur argent, les gens ont peur pour leur honneur, parce que personne ne respecte ces choses-là. Les crimes, hein, les crimes sont le taux de criminalité, c'est un des les plus élevés au monde. Ce sont dans les pays des kuffars et des mushrikines, hein, qu'on le retrouve. Et donc tout ça avec la drogue, hein, avec le trafic de drogue, et également avec toutes ces d'autres choses qui sont reliées avec la drogue, la prostitution et des choses comme ça, ça fait rentrer dans la société le crime et les choses de ce genre. Et donc ça, c'est dans les sociétés des koufars qu'on retrouve toutes ces choses-là. Et surtout depuis les derniers siècles. Auparavant, c'était moins courant. Maintenant, avec l'influence aussi de la télévision et des médias et des films, la violence dans les images qu'on voit, ça fait que la violence devient de plus en plus encouragée. Et vous voyez des gens maintenant, des jeunes, juste pour vous donner un exemple de ça, des jeunes, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tellement ils se sont fait ennuyer, embêter à l'école, des fois par des élèves, ils les ont rabaissés ou humiliés parce qu'ils n'entrent pas dans le moule de ce qui est accepté par le groupe des jeunes actuellement dans la mode ou des choses de ce genre. Et il y a des catégories de jeunes qui ridiculisent et humilient d'autres, et eux, pour se venger un jour quand ils en ont assez, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent des armes à l'école et ils commencent à tirer sur tout ce qui bouge devant eux, hein? Et on a vu des malheurs comme ça qui se sont produits aux États-Unis. Des jeunes qui rentrent dans les écoles commencent à tuer d'autres jeunes, hein, et des professeurs même parfois. On en a vu ça plusieurs. Maintenant, c'est pas juste une fois que ça s'est produit, mais ça c'est, il y a beaucoup d'autres choses beaucoup de fois que ça s'est reproduit. Même ici à Montréal, il y en a un qui est rentré dans un collège, il a commencé à tirer sur les gens. Donc ça, c'est des exemples de choses comme ça. Et les spécialistes et les gens qui parlent de ces questions, ils disent il faut empêcher les armes, il faut arrêter la distribution des armes dans la société, il ne faut pas qu'il y ait accès aux armes. Alors qu'ils ne réalisent pas que le vrai problème, il n'est pas uniquement dans la question de posséder des armes. Il faut regarder les causes de ça qui sont, hein, à l'intérieur de l'homme, dans son cœur, dans son âme. Qu'est-ce qui fait que ces choses-là se produisent? C'est pas uniquement des questions d'armes, hein. Tu peux donner à quelqu'un une arme, il va tuer personne avec. S'il craint Allah et qu'il connaît les droits des hommes et qu'il ne transgresse pas contre les hommes, il ne va rien faire de mal avec. Hein. Un couteau de cuisine, ça peut être utilisé pour faire de la nourriture ou pour faire de la cuisine, pour couper des aliments. Ça peut devenir un arme aussi. Mais pourquoi on ne l'utilise pas comme une arme? Parce qu'on sait que Allah nous a interdit de transgresser avec. La transgression est interdite dans l'islam. Et donc, alhamdoulilah, si les koufars arrivent à comprendre l'importance de la foi, l'importance de comprendre qui est Allah, qui est leur créateur, pourquoi ils ont été créés, pourquoi ils existent sur la terre, pour qu'est-ce qu'ils vont être, qu'ils vont mourir, qu'ils vont être ressuscités par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils vont être jugés et qu'ils auront une rétribution selon ce qu'ils ont cru, selon ce qu'ils ont fait au jour de la résurrection, et qu'il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que la dunya qui existe. Donc le jour quand ils vont comprendre ça, ils vont être capables de résoudre ces problèmes sociaux-là, s'ils acceptent de se soumettre à leur créateur et d'appliquer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et on voit que dans les pays musulmans, eh bien, il y a la proportion de problèmes selon la proportion d'attachement à l'islam ou l'éloignement d'attachement, de l'attachement qu'on a à l'islam. Plus une société s'attache à l'islam, on voit que plus la société, elle connaît la tranquillité et la paix. Et plus elle s'éloigne de l'islam et de la sunna, plus on voit les problèmes qui rentrent à l'intérieur de cette société-là. Et ça, c'est un fait observable. Donc ensuite, on va lire un autre petit point, puis on termine avec ça. Le cheikh, il dit « Al-fakhru bi-ghayri al-haq ou bi-haq » C'est-à-dire, d'avoir de la fierté sans injustement ou justement. Et il dit inna ajalla fada'ilahum al-fakhru walaw bihaq fanuhiya anhu. Parmi les plus grands mérites qu'ils ont dans la jahiliya, c'est le fait de la fierté, de se sentir fier même quand ils le méritent réellement, quand c'est vraiment mérité. Et ça leur a été interdit. Hein, cette fierté-là. Donc, le cheikh explique qu'est-ce que ça signifie. Ça, c'est le point numéro 92. Il dit, من مسائل الجاهلية الفخر ولو بحق فهم يفخرون بأفعالهم وأفعال آبائهم وهذا منهي عنه لأن الفخر بالأعمال يؤدي إلى الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين وهو منهي عنه وهو من أفعال الجاهلية. فلا يجوز للمسلم أن يفتخر لأنه مهما بذل ومهما عمل فإنه مقصر ولا يؤدي كل ما أوجب الله عليه. فحق الله عظيم وحق الوالدين عظيم وحق الأقارب عظيم وعليه حقوق عظيمة. فكيف يفخر الإنسان إذا فعل شيئا من الإحسان أو من المعروف أو من الأفعال من أفعال الخير مع أنه إنما أتى بشيء يسير؟ هذا من الافتخار فيما بينه وبين الخلق. أما إذا افتخر بأعماله التي بينه وبين الله فهذا أشد، لأنه يؤدي إلى الإعجاب بالعمل وإلى استكثار العمل، وهذا يبطل العمل. ها؟ Donc le cheikh, il explique que parmi les questions des gens de la jahiliya, les choses qu'ils avaient dans leur pratique, dans leur religion, dans leur coutume, dans leur tradition, c'est qu'ils cherchaient à se vanter, hein, même quand c'était réel, quand c'était véridique, quand c'était mérité. Alors ils se vantent, hein, ils se vantent de ce qu'ils font, de leurs actions eux à eux ou de leurs actions de leurs ancêtres. Et ça, c'est interdit. Parce que le fait de se vanter de nos actions, ça amène à être ébloui de nos propres personnes et ébloui de ce qu'on fait, de se voir grand, de se voir bon, hein, de se sentir bon, de se penser bon et de mépriser les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a été interdit. Et ça fait partie des actions des gens de la jahiliya. Donc, il n'est pas permis aux musulmans de se vanter, hein. Tout ça, c'est de la vantardise, et ça, c'est interdit. Peu importe qu'est-ce que tu as fait comme effort, qu'est-ce que tu as fait comme action, comme travail, tu es toujours négligent, tu as toujours des manquements. Peu importe qu'est-ce que tu as fait, tu ne seras jamais capable, tu n'as jamais été capable non plus de faire tout ce que Allah t'a ordonné de faire en entier. Parce que le droit que Allah possède, hein, son droit est énorme. Et le droit de nos parents est énorme. Et le droit de nos proches est énorme. Hein? Donc, on a chacun d'entre nous des droits qui sont énormes. des responsabilités énormes. Et c'est impossible qu'on les, qu'on les rende correctement et complètement, parfaitement. C'est impossible. Donc, comment quelqu'un peut se sentir fier et se vanter de ce qu'il a fait de bien, hein, ou de bonté, ou de bonnes œuvres, alors que lui-même, il n'a fait que un peu de ce que Allah lui a ordonné de faire. Hein? Donc, ça c'est lorsqu'il fait du bien. Alors que dire du cas où la personne, il a fait du bien entre lui et son Créateur? Il a fait une action entre lui et son Créateur et il s'en vante. Alors ça c'est encore pire. Si ce sont des actions qu'il fait pour la créature, pour ses proches, hein, ça déjà c'est un problème de s'en vanter. Mais si il fait des vantardises par rapport à des actions qu'il fait entre lui et Allah, ça c'est encore pire. Hein, ça l'amène à aller voir ses actions et aller être ébloui lui-même de ses propres actions. Et ça, ça vient annuler complètement la valeur de ses actions, parce que ça rentre le riya là-dedans, hein, la fierté, l'ostentation, etc. Donc le cheikh il dit « فالواجب على الإنسان أن يعتبر نفسه مقصرا دائما وأبدا فيما بينه وبين الله وهذا واضح وفيما بينه وبين الخلق أيضا فإنه إذا اعتبر نفسه مقصرا حمله ذلك على التواضع وحمله ذلك إلى المزيد من الخير أما إذا اعتبر نفسه مكملا وأنه قام بالواجب فهذا يستدعي أنه يتوقف من عمل الخير ويرى أنه قد بلغ النهاية فيتوقف عن فعل الخير. Donc, le cheikh il dit que l'obligation pour quelqu'un c'est de considérer qu'il est toujours négligent, il a toujours, dans le sens qu'il se considère toujours comme étant quelqu'un qui n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. Il doit considérer qu'il a toujours des manquements en lui-même, toujours. Ça c'est entre, quand c'est qu'est-ce qui concerne, qu'est-ce qu'il fait entre lui et son Créateur. Entre lui et Allah, il doit toujours avoir l'impression ou le sentiment qu'il n'a pas fait assez, qu'il est en manque dans ce qu'il doit faire pour Allah. Et ça, c'est clair. Et également dans ce qu'il fait de ce qu'il fait pour les créatures, hein, quand il vient en aide aux autres ou quand il remplit les devoirs qu'il a envers les autres, il doit aussi considérer qu'il n'a pas fait assez à chaque fois. Et quand il agit de cette manière, ça le pousse à faire preuve d'humilité. Et ça l'amène à essayer d'augmenter le bien et à faire plus de bien lorsqu'il considère qu'il n'a pas fait assez. Toutefois, si au contraire il considère qu'il a tout fait et qu'il a complété tout et qu'il a fait tout ce qui était obligatoire, alors dans ce cas-là, il va dire, bon, ça y est, maintenant, j'ai plus besoin de faire plus d'efforts parce que j'ai tout fait ce que je devais faire. Hein? Et il va considérer que il a atteint le but et est arrivé au bout. Et donc, ça y est, il n'a plus besoin de faire le bien. Et ça, c'est dangereux. Donc, le cheikh, il dit, pour terminer, والحاصل أن الافتخار لا ينبغي أن يصدر من المسلم أو من مسلم وإنما هو من أفعال الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه سيد ولد آدم قال ولا فخر مع أن مقامه هذا لا يساويه فيه أحد ومع هذا قال ولا فخر نفى عن نفسه الفخر وإنما أخبر بذلك من باب التحدث بنعمة الله عز وجل والشكر عليها لا من باب الفخر. Donc le cheikh il explique, il dit que pour résumer tout ça, on peut dire que la vantardise Hein? Un musulman ne doit jamais faire preuve de vantardise et être fier et se vanter. Parce que ça, c'est uniquement des caractéristiques et des actions des gens de la jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il est le maître des fils d'Adam. Hein? Le chef des fils d'Adam. Et il a dit tout de suite après, voilà Farha. Et il n'y a pas de vantardise là-dedans. Malgré que son niveau et son statut, personne ne peut l'égaler dans ce niveau-là, dans ce statut-là. Hein? Et malgré que c'était vrai, et que c'est vrai ce qu'il dit, et qu'il le mérite, il dit à la fin, voilà Farha. C'est-à-dire, et je ne le dis pas pour me vanter. Et ce n'est pas une vantardise. Il a nié pour lui-même la vantardise et la fierté. Hein? Et il a uniquement mentionné qu'il est le chef des fils d'Adam, hein, ou le premier des fils d'Adam. Pourquoi? Pour mentionner la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et pour être reconnaissant envers cette grâce, et non pas pour faire preuve de fierté ou de vantardise. Donc ça, c'est à ce sujet-là, je pense que ça, c'est un point important et c'est un rappel pour chacun de nous. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera ça demain, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakum allahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.